On aurait tout à fait pu en choisir d'autres, c'est vrai. C'est le hasard des lectures et de mon amour de la littérature qui a fait se rencontrer et se croiser ces trois textes-là. On réfléchit déjà à d'autres nouvelles pour d'autres projets. Mais c'est vrai que c'est vraiment une conviction que la littérature, c'est vraiment un art d'aujourd'hui. Et quand on voit la réaction de certains spectateurs, et vraiment là de tous âges, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, cette capacité à capter en fait les spectateurs par le récit, par le langage, par la langue. Le théâtre a fort à faire avec la littérature et encore pendant longtemps, et j'en suis persuadé. Et c'est ce qu'on vérifie avec ces nouvelles. On a bien noté Supernova, à découvrir évidemment les 4 et 5 décembre, je le rappelle, au Théâtre 95 à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, et le samedi 7 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Ouidi Joli Village. Merci Thomas Pontdevy. Merci à vous. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et Radio RGB.net. On a parlé plus précisément de Supernova avec Thomas Pontdevy. Peut-être, Chloé, nous rappeler que ce travail, ce spectacle, cette création s'inscrit dans un projet plus global de décentralisation de Point commun dans le Vexin. De quoi s'agit-il ? En fait, l'idée dans tous les projets qu'on mène et qu'on essaie de développer en décentralisation, c'est évidemment de dépasser les frontières de l'agglomération, même si les partenariats avec les lieux de l'agglomération nous tiennent à cœur. Et dans un département qui est si rural, c'est d'aller à la rencontre des habitants qui sont en tout cas dans des villages plus éloignés, avec moins de mobilité car moins de transports en commun, et d'aller proposer en fait des spectacles et des formes artistiques dans les petits villages. C'est une démarche qu'on avait initiée déjà la saison dernière avec Lettres jamais écrites, qui avait joué à Marine. Et effectivement, voilà, ce sont des partenariats qui sont assez longs à mettre en place, puisqu'il faut aller à la rencontre des élus, des habitants. Et donc, on est ravis cette saison d'aller à la rencontre des habitants de Ouidi Joli Village,

Tout à fait. Donc, on accueille le concert en partenariat avec l'Observatoire, samedi au Théâtre 95, samedi 16 novembre. Et donc, voilà, on a le plaisir d'accueillir Charline Mignot, qui était l'une des révélations pop de l'année 2018. Le syndrome de Cassandre, c'est de l'art, il me semble me rappeler que c'est dans l'art clownesque. Tout à fait. Donc, c'est quand même un spectacle de clown déconseillé aux enfants, hein, à voir plutôt à partir de 16 ans. C'est, voilà, toute l'autre face du clown, qui est très noir. C'est un clown qui fait peur. C'est un clown malheureux. Donc, c'est trop triste pour partager ça avec les petits-enfants. Oui, ils ont bien le temps, effectivement, d'en arriver à ces questions-là. Le syndrome de Cassandre à retenir. Alors, peut-être en venir à d'autres événements qui vont marquer la vie du lieu. La vie du lieu, eh bien, c'est le théâtre, c'est la scène nationale avec différents lieux sur la ville, en effet. On va commencer par aussi la conférence dansée « Dance Your Flow ». Oui, l'idée, tout d'abord, c'est de proposer des événements en lien avec les artistes qui sont accueillis. Donc, Vislo, en fait, qui est un rappeur, hein, un ancien des Saiyan Supakru, propose un atelier, entre atelier et conférence dansée, qui aura lieu dans le hall du Théâtre des Louvrais. Et donc, c'est tout un travail autour du lien entre les flows des rappeurs et les steps, les pas de danse hip-hop. Et donc, comment on arrive à articuler les deux et comment les deux se sont mutuellement inspirés. C'est une proposition très festive qui aura lieu donc vendredi 15 novembre avant Golden Stage Tour. Participatif, c'est ça ? Tout à fait. Atelier mêlant gestuel, rythmique, attitude et interprétation pour créer un flow inédit, à savoir celui que vous allez, vous tous qui nous écoutez, participer à cette occasion. Deuxième temps à signaler, là, une proposition animée par l'association La Ruche, le Tap Water Jam. Tap Water, en fait, c'est l'eau du robinet. Mais je rassure évidemment nos auditeurs, il n'y aura pas que de l'eau du robinet. Ah oui. En fait, c'est un concept américain autour de la culture house, donc à la fois la music house et la dance house. Et donc, on réunit en fait, là aussi dans le hall, un collectif de DJ, le collectif Poincaré, et des danseurs house qui sont voilà, là aussi invités à participer et à rejoindre l'espace, puisque c'est vraiment une proposition là aussi festive, avec toujours l'idée de transformer nos espaces en lieux de fête et en lieux de vie. C'est la première Tap Water organisée dans le Val d'Oise, et c'est un événement qui nous a été effectivement proposé par notre partenaire La Ruche, puisqu'on est vraiment dans la co-construction, et à partir de la programmation, ils sont force de proposition pour créer avec nous des événements de la vie du lieu. La Tap Water Jam. Alors, après ça, c'est le battle. C'est le battle avec ce qui sera proposé dimanche 17 novembre à partir de 14h au Théâtre 95. Là, on a eu un long échange avec Faïs, aka Philippe Almeidas, juste pour nous dire l'état d'esprit de ce battle qui promet d'être très festif également et convivial. Ben là aussi, on est toujours dans le même état d'esprit, c'est participer, faire la fête, s'amuser et découvrir un lieu de spectacle différemment, puisque ce battle n'aura pas lieu dans le hall, mais vraiment dans la salle Visconti du Théâtre 95, avec 40 danseurs professionnels qui vont participer, et puis évidemment 50 participants qui sont en train d'être sélectionnés, et donc plusieurs phases, présélection, quart de finale, etc. Donc je pense que Faïs a parlé. Avec une ambiance dance floor qui va se poursuivre jusqu'à quelle heure ? Parce que quand ça démarre, on ne sait jamais à l'avance quand ça s'arrête. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a la partie battle et il y a la partie jam, là aussi. Donc le battle se poursuivra en dance floor. Alors on ne va pas dire jusqu'au bout de la nuit, on sera quand même le dimanche 17 novembre, mais en tout cas jusqu'au début de la soirée, on va dire. Merci. Alors juste d'un mot, rappeler que Faïs est un artiste fil rouge de la saison. On a déjà vu avec lui différents rendez-vous qui sont projetés sur la période du mois de mai, juin prochain même. C'est ça, c'est un parcours qu'on propose en fait tout au long de la saison, évidemment articulé autour des temps génération et en partenariat avec Visage du Monde et la ville de Cergy, là aussi, avec une création participative qui s'appelle Device et qui va associer 25 danseurs amateurs à ce temps génération 6. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et RadioRGB.net. Le temps fort génération 4. Dois-je vous appeler Philippe Almeida ou fils ? Faïs. Et oui, c'était le piège. Faïs. Et oui, parce que c'est forcément anglo-saxon pour le coup, la danse. Bah, après, il y a une dimension internationale, donc effectivement, ouais, il y a ce petit côté anglo-saxon, mais à la base, c'était juste une histoire de sonorité, quoi. Danseur, moi je vous ai connu et nombre d'entre nous vous avons connu comme interprète et chorégraphe du groupe Prophénomène. Histoire qui est lointaine ou qui est toujours un peu présente dans votre esprit ? Bah, qui est toujours présente de manière, on va dire,

Oui, c'est une proposition qui a été programmée dans le cadre du Festival d'Avignon en juillet dernier et qu'on accueille dans le cadre du Festival d'automne, qu'on a pu avec l'équipe découvrir en juillet, et qui est une performance très intéressante et qui nous apprend beaucoup aussi sur les points communs, sans faire de jeu de mots, entre la Chine et la République tchèque qui sont deux pays qui ont évidemment connu le totalitarisme et le communisme. C'est les 20 et 21 novembre au Théâtre des Louvrets à Pontoise, suivi de danse avec la brésilienne Alice Ripoll, Kriya, qui se produira pour ce spectacle le 26 novembre prochain au Théâtre 95. Et c'est un spectacle présenté dans le cadre d'Escale Danse également. Un autre spectacle à ne pas manquer à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, point commun, c'est Portrait de Ludmilla en Nina Simone de David Lescaut. C'est du théâtre musical. Oui, c'est une forme entre théâtre et musique autour, évidemment, de la chanteuse Nina Simone et en lien avec la comédienne Ludmilla Dabo. Un spectacle magnifique, une interprète exceptionnelle. Je voudrais juste comme ça rapidement livrer ce que disait Nina Simone de son vivant. Effectivement, je ressens très profondément mes origines. Mon art est ancré dans la culture de mon peuple et j'en suis fière, disait-elle. Elle qui s'est battue, pas simplement sur scène pour être une artiste comme on sait se souvenir, mais aussi qui s'est battue, qui a lutté pour les droits civiques aux États-Unis en particulier. Et enfin, éducation sentimentale. Alors là, on est invité à un roman performance d'Hugo Maillon, d'après Flaubert. Et quand je dis performance, 3h50. Effectivement, en même temps, c'était un beau défi d'adapter au théâtre le chef-d'œuvre de la littérature et le roman de Flaubert. Après, honnêtement, là aussi, pour l'avoir vu avec l'équipe, on ne voit absolument pas le temps passer. C'est une vraie expérience de spectateur et on est, avec tout le respect qu'Hugo Maillon a eu pour le texte de Flaubert, sur une proposition qui résonne beaucoup avec les revendications portées aujourd'hui par la jeunesse. Merci Chloé Guilbert. C'est à découvrir les vendredis 29 novembre à 19h. On peut comprendre vu la durée du spectacle, et le samedi 30 novembre à partir de 18h, tout cela au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Merci à vous deux ici en studio. Il est temps de conclure cette émission. D'abord pour vous rappeler que pour toute information et réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, pour les tarifs, les abonnements et pour toute autre information pratique, il y a deux solutions, par téléphone au 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 deux fois, ou par internet à point-commun.com. Remerciements à tous nos invités, ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique. Cette émission sera rediffusée samedi prochain, samedi 16 novembre de 9h à 10h, sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net, puis disponible à volonté en podcast à cette même adresse. Prochain rendez-vous avec Point Commun l'émission le mercredi 11 décembre prochain de 19 à 20h. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, et sur votre radio locale, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Bonsoir. Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2, et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.